L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zayn Meyrowitz. Premier épisode. Le soutien. Karl Rossmann, un garçon de 17 ans, allemand de Prague en Bohême, entre dans le grand port de New York sur un bateau de la ligne Hamburg-America, naviguant déjà à vitesse réduite. Ses pauvres parents l'ont envoyé en Amérique parce que leur femme de chambre l'a séduit et a eu un enfant de lui. Karl regarde depuis un moment déjà la statue de la Liberté accueillant les immigrants. Il en oublie de descendre et se trouve petit à petit repoussé jusqu'au bordage par la foule sans cesse grossissante des porteurs. Soudain, sous l'effet des rayons du soleil, la statue s'illumine. Le garçon voit parfaitement maintenant son bras portant le fameux glaive, le brandissant dans les vents fougueux. « Si haute !» se dit Karl Rossmann. S'il vous plaît, j'aimerais passer, merci. J'ai oublié quelque chose d'important. Je dois descendre, je vous en supplie, j'ai laissé en bas. Eh bien, Karl Rossmann, tu as pris le mauvais escalier. Et maintenant, tu es perdu dans les catacombes de cet immense bateau. Je sais bien, Karl Rossmann, mais je dois retrouver mon parapluie. Pourquoi vous frappez à ma porte comme un fou, jeune homme ? J'ai oublié mon parapluie dans ma cabine. Et maintenant, je ne trouve plus le chemin. Alors, est-ce que vous pourriez... Entrez donc. Mais je vous dérange ? Pas du tout. Vous êtes allemand ? En effet. Pourquoi vous me demandez ça ? En Amérique, les nouveaux arrivants sont menacés. Surtout par les Irlandais. C'est bien connu. En effet. Installez-vous sur ma couchette. Vous y serez plus à votre aise. Allez-y. Alors, vous avez perdu votre parapluie ? Oui. Et ma valise est là-haut sur le pont. Je l'ai confiée à un jeune homme que je connais. Butterbaum. Franz Butterbaum. Vous avez confiance en lui ? Pourquoi ne pas avoir gardé votre valise avec vous ? Je voulais retrouver mon parapluie. Mais je ne voulais pas traîner la valise avec moi jusqu'en bas. Et puis voilà que je me suis perdu. Le bateau est tellement grand. Donc, vous avez perdu votre parapluie ? Et par-dessus le marché, votre valise. Il se peut que la valise ne soit pas perdue. Ça dépend. L'usage varie selon le port. Ce Butterbaum aurait peut-être surveillé votre valise à Hambourg, par exemple. Mais ici, à New York, il y a de grandes chances que vous ne revoyiez plus ni l'un ni l'autre. Je soupçonne plutôt le Slovaque. Le Slovaque ? Celui avec qui j'ai partagé une cabine pendant la traversée. Il dormait dans la deuxième couchette, côté gauche. Pendant la journée, il avait un air plus ou moins innocent, mais dès qu'il faisait nuit et que tout le monde commençait à dormir, il s'asseyait sur son lit et regardait d'un œil triste en direction de ma valise. Il est possible qu'en me voyant descendre ici tout à l'heure, il ait profité de l'occasion pour la prendre. Vous auriez dû la traîner avec vous jusqu'en bas. Peut-être. Je l'ai tellement surveillé pendant le voyage, parfois même en me privant de sommeil à cause de ce Slovaque. Et tout ça pour me la laisser prendre si facilement aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Nous allons remonter ensemble pour vérifier si tout le monde a débarqué et voir si nous pouvons la retrouver. Vous connaissez bien le bateau ? Bien sûr, je suis soutier. Dis donc, soutier ? J'aurais certainement fait des études pour devenir ingénieur si on ne m'avait pas envoyé en Amérique. Pourquoi vous y a-t-on envoyé ? Quelle importance ? En tout cas, dans l'état actuel des choses, mes parents se moquent bien de savoir ce que je deviens. Même soutier. Si vous vouliez étudier en Europe, pourquoi ne le feriez-vous pas ici ? Les universités américaines sont incomparablement supérieures aux universités européennes. Je n'ai pas d'argent pour cela. Pire encore, je ne connais pas l'anglais. En plus, ici, on a des préjugés contre les étrangers. C'est vrai. Mais vous pourriez prendre ma place. De soutier ? Pourquoi ? Vous quittez le bateau ? En effet. Écoutez, ne croyez pas que je me plains pour le plaisir de me plaindre, mais je n'en peux plus. Vous voyez, nous sommes sur un bateau allemand. Nous sommes entre Allemands, même le commandant est allemand. Mais le chef mécanicien, un certain Schubal, est roumain. Et cette espèce de roumain me fait mener une vie d'enfer sur un bateau allemand. Pour lui, je suis feignant, je mérite juste d'être mis à la porte. Moi, qui me suis distingué sur tellement de bateaux dans ma si longue carrière, qui ai toujours donné satisfaction à mes capitaines. Ici, je suis bon à rien. Si je touche mon salaire, c'est uniquement par générosité. Il ne faut pas accepter ça. Vous devriez vous plaindre au commandant. Vous avez bien raison, jeune homme. Et tout de suite même. Venez. Il n'y a plus de passagers, c'est le moment d'agir. Mais où allez-vous ? Je vais au bureau dire ce que je pense aux officiers. Venez avec moi. Qu'est-ce que vous faites là ? Je décroche ma gravure de la Sainte Vierge. Sans elle, il n'y a aucune chance de réussir. Tu aurais mieux fait de chercher ta valise, Karl. Maintenant, elle est sûrement perdue, comme ton père l'avait prédit en te l'offrant. Ça fait longtemps que tu n'as pas changé de chemise. Tu penses qu'au début de ta carrière en Amérique, tu peux te présenter avec une chemise sale ? En plus, ta mère avait glissé une grosse tranche de salami de Vérone dans la valise. Tu aurais pu en offrir au soutier. En Amérique, c'est la meilleure façon de se mettre les gens dans la poche. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous ne l'avez pas vu ? Un rat gros comme ma botte. J'imaginais que c'était ce salaud de Schubal. Je voulais l'écraser. Et alors ? Raté, il m'a échappé. Dans son trou. Mais Schubal ne va pas m'échapper, lui, je vous jure. Allez, venez. Ici, c'est la cuisine. Alors, soutier, où tu vas ? C'est le jour de la paye. On va la chercher ensemble ? J'ai pas le temps maintenant, Lynn. Je vais voir le commandant. Où est-ce que tu as trouvé ce joli garçon ? C'est mon ami, Grossmann, allemand. Allez, venez vite. Soutier, quittez cette pièce immédiatement. C'est le commandant. Vous voyez comment je suis traité ici. Et vous, jeune homme, qui êtes-vous ? Voici mon passeport. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je me permets de vous dire, monsieur le commandant, que monsieur le soutier est bien maltraité sur ce bateau. Il y a un certain Schubal, chef mécanicien, qui lui fait du tort. Monsieur le soutier a toujours donné satisfaction, et ceci même sur d'autres bateaux. Il prend son travail très à cœur. Si son avancement est bloqué, si on ne lui accorde pas la considération qu'il mérite, c'est à cause des mensonges de Schubal. Je n'ai fait qu'évoquer les grandes lignes de cette affaire. Pour les détails de sa plainte, je cède la parole à monsieur le soutier. C'est très bien, Rossmann. Si seulement tes parents pouvaient te voir défendre une bonne cause ici pour ton premier jour en Amérique. Soutier, approchez. C'est le commissaire de bord. Il est bien pire que le commandant. Oui, monsieur. Vous êtes bien connu pour vos réclamations permanentes, soutier. Combien de fois ne vous a-t-on pas jeté à la porte des bureaux de la paye comme le méritent vos exigences injustifiées ? Combien de fois vous ai-je montré la porte de mon bureau des services comptables à la suite de vos réclamations totalement injustifiées ? Vous êtes le désespoir de ce pauvre Schubal qui est un garçon si paisible. Combien de fois ne vous a-t-on pas dit, dans votre intérêt, que Schubal est votre supérieur immédiat et que c'est avec lui qu'il faut vous arranger en subordonné, docile ? Et aujourd'hui, vous avez le front de venir quand monsieur le capitaine est là. Vous avez l'audace de l'importuner. Vous ne rougissez même pas d'amener comme porte-parole pour vos accusations de mauvais goût ce garçon qui nous est totalement inconnu. J'insiste sur le fait que Schubal est injuste avec le soutien, monsieur le commissaire de bord. Il préfère favoriser les étrangers plutôt que les Allemands, et cela sur un bateau de la ligne Hambourg-Américaine, donc un bateau allemand. Et maintenant, soutier, c'est à vous de vous défendre devant monsieur le commandant. Mais pas n'importe comment. Mettez de l'ordre dans vos revendications. Exprimez les plus importantes d'abord, puis le reste, par ordre décroissant. Et moi, je... Allez, dis-le, vas-y. Oh non, il n'est pas à la hauteur, ce soutier. Il est tout en sueur. Ses mains tremblent au point qu'il ne peut plus tenir les documents qu'il a apportés pour sa défense. Et ses récriminations contre Schubal ne sont pas claires. Quelle confusion face au commandant. Les autres officiers sifflent, regardent autour d'eux et attendent de voir comment le commandant, en apparence très calme, va juger cette affaire. Entrez, monsieur Schubal. Monsieur, Ah ah. L'ennemi est bien là, avec un registre à la main. Il contient sûrement les salaires perçus par le soutien. Et les services effectués. Tu comprends déjà que l'erreur de Choubal, c'est de ne pas avoir réussi à dompter l'indiscipline du soutien. Sois attentif, Karl. Je suis venu parce que j'ai entendu dire que le soutien m'accuse de malhonnêteté. Je suis prêt à contredire toute accusation avec des documents à l'appui, mon commandant. En plus, j'ai amené avec moi des témoins sur lesquels je n'ai aucune influence. Ils sont tous prêts à faire des dépositions et se tiennent derrière cette porte. Alors ? Intéressant, Osman. Une confrontation directe entre Choubal et le soutier aura sûrement un effet sur l'assemblée des officiers. Choubal est bien connu pour être maître dans l'art de feindre. Donc, tôt ou tard, il ne pourra plus tenir le coup. Il faut que sa méchanceté éclate devant tout le monde. Et c'est toi, Rossmann, qui dois t'en charger. Quant au soutier, il semble perdu. Pas en état de mener un combat. Bien sûr, s'il avait Choubal en face de lui, il serait bien capable de faire éclater sa tête comme une coquille de noix. Mais vu son état actuel, parcourir le petit bout de chemin qui le sépare du Roumain serait une épreuve. Tu aurais dû préparer un plan d'attaque avec le soutier avant d'entrer dans la pièce. Plan qui aurait prévu l'arrivée probable de Choubal. Raté, Rossmann. Donc, soutier, si j'ai bien compris, vous accusez M. Choubal de malhonnêteté et vous n'êtes pas en mesure de le prouver. Allez, dépêche-toi, Rossmann. Saisis le moment avant que les témoins n'arrivent pour noyer le poisson. Monsieur le commandant, pourquoi ce mot malhonnêteté employé par M. Choubal ? Pourquoi a-t-il mis tout ce temps avant de se présenter devant vous ? Pourquoi est-il resté derrière la porte avec ses témoins avant d'oser entrer ? Pourquoi ? Pourquoi autant de préjugés nationaux ? Pourquoi ces préjugés contre le soutier, un Allemand ? Pourquoi ? Bien joué, Karl. Et regarde bien ce géant de soutier. Si les choses tournent mal, il serait bien capable de maîtriser les 7 hommes ici à lui tout seul, et cela grâce à la rage de son désespoir. Sur le bureau du commandant, tu vois un tableau avec des boutons électriques ? Eh bien, une seule main comme celle du soutier posée dessus peut mettre en branle le navire et faire tanguer très violemment tous ces gens qui lui sont hostiles. Attendez, attendez, jeune homme. Et excusez-moi de vous interrompre, mais monsieur le sénateur Jacob, qui nous honore de sa présence à bord aujourd'hui, voudrait vous poser une question. Tout à fait, commandant. Merci. Jeune homme, comment vous appelez-vous ? Karl Rossmann. Mais alors, dans ce cas, je suis ton oncle Jacob et tu es mon neveu. Viens m'embrasser. Mon oncle ? Je crois pas. Comment vous appelez-vous ? C'est monsieur le sénateur Edward Jacob qui se manifeste ici comme votre oncle, jeune homme. Il ne faut pas l'offenser. Désormais, une carrière merveilleuse vous attend. Carrière à laquelle, jusqu'à présent, vous n'auriez pu prétendre. Alors ressaisissez-vous et essayez de prendre conscience de la chance que vous avez. C'est vrai que j'ai un oncle Jacob, ou Jacob, le frère de ma mère, mais Jacob est son prénom, et pas le nom de famille comme c'est le cas pour monsieur le sénateur. Mon oncle porte le nom de Bendelmeyer, celui de ma mère. Contre ma volonté et la vôtre, monsieur le commandant, vous assistez ici à une petite scène de famille, et donc je vous dois des explications. Je suis bien citoyen américain de toute mon âme, et je vis coupé de mes relations européennes depuis des décennies. Les raisons sont pour moi si pénibles que je ne peux les raconter ici. Je redoute même le moment où je serai obligé de les exposer à mon neveu. C'est sans doute ton oncle. Il a dû changer de nom. Je ne vais pas mâcher mes mots. Les parents de mon cher neveu se sont débarrassés de lui comme on jette à la porte un chat encombrant. Et pourquoi raconte-t-il cela à tout le monde ? L'histoire est la suivante. Une femme de chambre nommée Johanna Burma, âgée de 35 ans, l'a séduit. Je n'ai pas envie de faire du mal à mon neveu en utilisant le mot « séduire », mais je ne trouve pas d'autre mot pour le dire. Tout le monde te regarde. C'est embarrassant. Par la suite, cette Brummer a eu un enfant, un solide garçon qu'on a baptisé Jacob, évidemment en hommage à mon humble personne. Le soutien te regarde avec un de ses sourires. Enfin, bref, elle a tout fait pour attirer son attention quand ils se sont croisés dans les couloirs de la maison familiale. Mais Carl ne voulait rien savoir. Parfois, à genoux, elle priait devant un crucifix en bois, tout en laissant la porte de sa chambre entrouverte pour permettre à Carl de l'observer. Quand Carl entrait dans la cuisine pour venir chercher un verre d'eau, elle caquetait comme une sorcière. Ensuite, elle refermait la porte pour l'empêcher de ressortir. Alors, un beau jour, elle l'amène dans sa petite chambre et referme la porte à clé. Ah non, pas ça. Elle se jette sur lui et lui demande de se déshabiller. En fait, c'est elle-même qui le déshabille. Et l'entraîne dans son lit en criant « Carl, oh my Carl !» Ça suffit, non ? Elle l'étouffe sous les coussins, les draps, puis... Elle lui tend son sein pour qu'il écoute les battements de son cœur. Mais Carl ne veut toujours rien savoir. Ensuite, elle colle son ventre nu contre celui de Carl et commence à fouiller entre ses jambes. Carl, dégoûté, tente de s'échapper de cette prison d'oreiller. Et elle continue de presser son ventre contre lui jusqu'à l'étouffement, tandis qu'un sentiment de détresse envahit Carl. Après, oui, messieurs, après, le pauvre garçon regagne son propre lit en larmes pendant que la bonne insiste pour qu'il se revoie. Les parents, voulant éviter un scandale ainsi que le paiement d'une pension alimentaire, ont en effet déporté leur fils en Amérique, délibérément sous-équipé, comme vous pouvez le constater à ses habits misérables. Sauf miracle, comme on peut en voir encore en Amérique, le garçon abandonné aurait pu se perdre dans une allée du port de New York, ou pire. Eh bien, le miracle est que cette femme de chambre, Johanna Brummer, m'a envoyé une lettre. Lettre qui est parvenue entre mes mains hier, après avoir fait de nombreux détours, et dans laquelle elle me raconte toute l'histoire dans les détails. Et heureusement, me signale le nom du bateau sur lequel mon neveu voyage. Cette femme éprouve beaucoup d'amour pour le jeune père de son enfant. Mais pas Carl, pour elle. Et maintenant, je souhaite que tu me dises, ici, devant toutes ces personnes, si, oui ou non, je suis ton oncle. Tu es mon oncle. Mais je voudrais rajouter qu'il y avait quelques erreurs dans ton discours. Tout ne s'est pas passé exactement comme tu viens de le raconter. En même temps, je ne trouve pas inconvenant que ces messieurs reçoivent ici des informations inexactes sur le déroulement d'une affaire qui ne les concerne pas. Écoutez ça. Est-ce que je n'ai pas un neveu superbe ? C'est très bien exprimé, n'est-ce pas ? Monsieur le sénateur, je suis ravi d'avoir fait la connaissance de votre neveu. C'est un grand honneur pour moi qu'une telle rencontre familiale ait lieu, ici, sur mon navire. Merci. Et maintenant, mon neveu, nous allons rentrer chez moi. Et le soutier ? Regarde-le, avec ses mains glissées dans la ceinture de son pantalon. Il semble n'avoir aucun compte à rendre à personne. Il a exprimé ses malheurs et maintenant il s'attend au pire. Choubal aura donc la paix. Le commandant peut engager désormais uniquement des Roumains. On ne parlera plus que le Roumain sur ce bateau allemand et tout ira mieux à l'avenir. Il manquera le soutier pour embêter le service comptable. Pour le commandant, cela restera un souvenir plaisant. Après tout, grâce aux plaintes du soutier, le sénateur a retrouvé son neveu. Et c'est le commandant qui décidera du triste sort du soutier. Ce dernier essaie maintenant de ne pas te regarder, Rossmann. Et malheureusement, il n'a pas d'endroit où poser ses yeux dans cette salle remplie d'ennemis. Mais que va-t-il se passer pour le soutier ? Il aura ce qu'il mérite. C'est au commandant de décider de son destin. Mais c'est une question de justice. Une question de justice et en même temps de discipline. Mais le soutien n'a rien fait. Laisse tomber, mon neveu. Nous avons déjà assez gêné, monsieur le commandant, qui a bien sûr des obligations concernant son arrivée ici dans le port de New York. Il est temps d'abandonner le navire et aussi d'oublier cette querelle entre subalternes. Je vais immédiatement faire mettre pour vous une chaloupe à la mer, monsieur le sénateur. Soutier, pourquoi tu ne dis rien ? Tu as été maltraité sur ce bateau. Il faut que tu te défendes. Il faut me le promettre. Et là, Carl Rossmann, devant tout le monde, Tu prends la main du soutier et tu la baises. Cette main fissurée est presque sans vie maintenant. Presse-la contre tes joues comme un trésor auquel tu es obligé de renoncer. Ce soutier t'obsède, je vois. Tu te sentais abandonné par tes parents sur ce bateau et le soutier t'a offert son amitié. Tu lui es reconnaissant, c'est très bien, car honorable même. Mais n'exagère pas tout de même. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les témoins de Choubal. Ils s'impatientent dans le couloir. Bah, faites-les entrer. Mon commandant. Merci, mon commandant. Et maintenant, monsieur le sénateur, je vous prie de partir avec votre neveu. La chaloupe vous attend. Et maintenant, Karl Rossmann, oublie ton chagrin. Lève les yeux sur le port. Regarde la ville de New York avec les 100 000 fenêtres de ses gratte-ciels pour la première fois de ta vie. Oui, ici sur l'eau, Rossmann sait enfin où il est. Il contemple le port de New York où la vie suit bien son cours. Des petits bateaux à moteur, des péniches chargées de tonneaux, jusqu'aux navires de guerre qui font entendre leurs salves d'honneur. Les canots des paquebots transatlantiques ramant vers le port, transportant de nouveaux arrivants pleins d'espoir qui tournent la tête pour observer le changement de décor. L'Amérique. Oui, le mouvement permanent, une fébrilité contagieuse qui se transmet de la mer agitée aux êtres humains. Pourtant, Karl, lui, tout ce qu'il regarde quand la chaloupe glisse et passe devant les fenêtres du commandant, ce sont les témoins de Choubal bien accueillis par les officiers. Ils leur font signe, et son oncle les salue depuis la chaloupe. Tout se passe comme si le soutien n'existait plus. Les genoux de l'oncle Jacob touchent presque les siens. Karl l'observe pendant que l'oncle regarde les vagues qui entourent maintenant la chaloupe. Karl Rossmann commence à douter que ce parent inconnu puisse jamais remplacer le soutier. L'Amérique, de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zein Meyrowitz. Premier épisode, avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Donatien Guillot, le soutier, Christophe Brault, le commandant, Bruno Pavio, le commissaire de bord, Miglen Mirtchev, Choubal, Vernon Dobchev, oncle Jacob, et Julien Aluguette, Cécile Arnaud, Myrène Astré, Vincent Bramoulet, Richard Chevalier, Françoise Cousin, Nicolas L., Marc Léonian, Léo Reynaud, Othello Vilgar, Élodie Vincent, Valérie Vinci, Pauline Ziadé. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissans, Élodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande.